Chapitre 3e, l'analyse du breuvage. La première partie du trajet de la voiture qui emmenait le prisonnier mystérieux de la rue de la Baume s'effectua silencieusement. Le malade était tombé dans une sorte de sommeil comateux qui rendait son transport facile. Miss Colfax songea à l'irritante énigme dont elle voulait avoir le mot. De son côté, le docteur Cavarox avait hâte de découvrir la cause de l'étrange cas pathologique qui se présentait. Il avait cru, il est vrai, reconnaître les effets du poison dont l'emploi lui avait été révélé pendant le cours de ses voyages en Orient. Mais ne s'était-il pas trompé dans ses premiers diagnostics? « Vous avez eu soin d'emporter la théière d'argent ?» demanda-t-il à brûle-pourpoint à Miss Colfax. « La voici, » répondit-elle. Il prit le vase et constata avec joie qu'il contenait une certaine quantité de liquide. « C'est bien du café, » dit-il. Et je saurai facilement si une autre substance s'y trouve mêlée. Quelle est donc, reprit Flavia, cette substance que vous appelez le poison des sultans? En Orient, miss, lorsqu'on voit quelque haut dignitaire perdre peu à peu ses forces et son intelligence, on dit vulgairement qu'il a pris du mauvais café, dit Cavarox. Mais cette locution n'est qu'un euphémisme. Ceux qui l'emploient savent parfaitement que le pauvre diable, qui s'éteint d'une façon presque imperceptible, a humé dans son café de la poussière de diamant. Le diamant pulvérisé serait-il un poison? Fit la riche héritière avec étonnement. C'est l'opinion qui court là-bas, repartit le célèbre praticien. Mais elle est erronée. Le véritable diamant, qui n'est que du carbonate cristallisé, ne possède aucune propriété physique qui puisse le faire ranger dans la catégorie des substances toxiques. Mais alors, permettez, miss. Si le diamant véritable est inoffensif, il en est autrement de ses imitations. Le strass, par exemple, continua le docteur Cavarox, qui est un verre riche en plomb, est tellement semblable au diamant qu'on s'y trompe souvent. Si une fois pulvérisé on le mêle avec du café et du marbouilli, il produit des accidents cérébraux tels que le délire calme ou furieux, et à la longue, il amène la mort. Cavarox et Miss Colfax en étaient là de leur conversation lorsque la voiture s'arrêta. On était arrivé au numéro 2 de la rue de la Pompe. Le docteur mit pied à terre et sonna. La fenêtre d'un petit pavillon qui donnait sur la rue s'éclaira puis s'ouvrit, et le gardien de la maison passa la tête et demanda qui était là et ce qu'on lui voulait à pareille heure. « Descendez promptement, Antoine, » répondit Cavarox. « J'ai là un malade qu'il faut transporter dans le chalet. » Une minute après, le concierge ouvrait la grille, prenait dans ses bras l'homme endormi, le transportait dans l'endroit indiqué et le plaçait sur un lit. « Vous pouvez vous retirer, » dit le célèbre praticien, « mais ne vous couchez pas avant que ce jeune homme, » et il désigna Miss Colfax, « n'ait rejoint ma voiture qui le ramènera à Paris. » Le concierge se retira. Cavarox ouvrit alors son secrétaire et en sortit une boîte de forme carrée en bois de noyer, dans laquelle étaient divers flacons. Si vous le permettez, miss, dit-il à Flavia, je vais analyser en votre présence le liquide qui restait dans la théière. De cette façon, nous saurons tout de suite à quoi nous en tenir. Je suis tous yeux, cher docteur, répondit Miss Colfax en se plaçant tout près de lui pour ne rien perdre de l'expérience scientifique qui allait avoir lieu. Cavarox fit trois parts du liquide que contenait la théière, les mit dans trois vases, puis il versa dans le premier vase quelques gouttes d'un réactif pris dans un des flacons. « Si ce café renferme de l'oxyde de plomb, » dit-il à Flavia, « nous allons voir se former à l'instant même un précipité de couleur jaune. »« Quelle est la substance que vous venez d'introduire ?» demanda curieusement la riche héritière. « C'est du bromate de potasse, » répondit le docteur. À peine le réactif eut-il été versé que le précipité jaune se forma, ainsi qu'il l'avait annoncé. « Pour moi, » continua-t-il, « l'expérience est concluante. Toutefois, je vais en faire une autre à l'aide de l'hydrogène sulfuré, et vous verrez une poudre noire se former instantanément au fond de ce second vase. » La seconde expérience donna le résultat prévu. « Passons à la dernière épreuve, » poursuivit Cavarox en plongeant une lame métallique dans le troisième vase. « S'il y a de l'acide de plomb dans ce café, une couche de plomb se montrera sur cette lame. » Cette troisième expérience eut le même succès que les deux premières. « Le doute ne saura plus être permis, » dit alors l'habile praticien. C'est le poison des sultans qui a amené la folie de ce malheureux. Eh bien, que comptez-vous faire ? Demanda Miss Colfax. Tentez de le guérir, mais avant tout, je vais faire matelasser ses murailles afin qu'il ne puisse point attenter à sa vie si de nouveaux accès de délire se manifestaient et transformer cette chambre de telle façon qu'il ne s'aperçoive pas de son changement de demeure. Le docteur Cabarrox, après avoir prononcé ces paroles, offrit galamment la main à Flavia et la reconduisit à la voiture qui était restée en station devant la grille de la villa. Le cocher fouetta ses chevaux et trois quarts d'heure plus tard, la riche héritière, enveloppée dans un manteau qui cachait son costume d'homme, rentrait à son hôtel de la place des Vosges.